Attends, baisse un peu parce qu'on dirait que ça claque. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais qu'est-ce que j'en sais? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey, baby, baby. Roots to roots. Thank you.